إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue aujourd'hui avec cette deuxième partie dans le livre de Cheikh Abdullah al-Bukhari, hafizahullahu ta'ala. Et on continue avec l'explication du deuxième droit qui est mentionné par le Cheikh à propos des droits du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, lorsqu'on observe la vie des musulmans en général, avant de rentrer dans le sujet, on constate que beaucoup de musulmans ignorent les droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ne vivent pas avec la conscience de ces droits-là dans leur vie de tous les jours. Et on voit que le musulman, par opposition à cela, le musulman qui vit selon l'islam et qui essaie de s'accrocher à la sunna, eh bien, il vit en permanence dans la conscience des droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour lui, était toujours là, avec lui. C'est-à-dire que c'est comme s'il était toujours parmi nous, puisque dans chacune de ses actions, dans chaque chose qu'il fait, chaque fois qu'il fait quelque chose, il essaie de se rappeler de l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de sa sunna pour savoir comment il doit agir, qu'est-ce qui est licite, qu'est-ce qui est illicite, comment il doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il retourne toujours à l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans sa vie, à chaque instant, à chaque moment. Tandis que les gens qui n'ont pas conscience de ça, n'ont pas conscience du droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, ils vivent comme s'ils ne connaissaient pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'est le fait d'apprendre à propos de ces droits-là, c'est ça qui nous fait prendre conscience de l'importance de qu'est-ce que représente le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On n'est pas dans l'extrémisme de ceux qui exagèrent à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis on n'est pas dans le laxisme de ceux qui négligent l'importance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis qui délaissent complètement sa sunna. Donc Le musulman qui est sur la sunna, qui suit la compréhension des salafs, il est dans le juste milieu entre les deux. Et il est également dans le juste milieu par rapport à l'extrémisme des chrétiens qui vont jusqu'à adorer leur prophète, qui font de leur prophète, Isa, Jésus, le fils de Marie, ils en font une divinité, ils l'adorent en dehors d'Allah. Donc nous les musulmans, on n'a pas le droit d'adorer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui adore le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un mushrik, kafir. Il sort de l'islam. Et de notre côté, ceux qui dénigrent les prophètes, qui les rabaissent, qui ne leur donnent pas d'importance, comme les Yahoud, comme les Juifs par exemple. Donc les musulmans, eux, ils sont entre ces deux extrêmes-là aussi. C'est pour ça donc que le fait de connaître et d'apprendre les exemples de qu'est-ce que le Cheikh est en train de nous expliquer maintenant, eh bien ça nous aide à mieux connaître notre prophète, à mieux le suivre et à le respecter plus et à réellement le prendre comme un modèle dans notre vie. Et on ne va pas dire, par exemple, bon, aujourd'hui, on est en 1438, on approche de 1439. Bon, ça y est, on est avancé maintenant, on n'a plus besoin de cet exemple-là. Cet exemple, il est passé date. Hein? C'était un prophète qui est venu enseigner les hommes pour une autre époque. Nous, on est à une époque moderne. Celui qui pense comme ça, yani, c'est un exemple aussi de la déviation. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui pensent de cette façon-là et qui prennent dans leur vie de tous les jours des modèles autres que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour adorer Allah, ou bien, si ce n'est pas pour adorer Allah, pour vivre leur vie. Hein? Ils se basent soit sur des exemples d'autres personnes qui sont même parfois des koufars, et ils suivent leur exemple et leur modèle, ou bien ils suivent leurs idéologies, ou bien ils suivent leur philosophie, ou bien ils suivent leur mentalité, ou bien ils suivent leur mode. Et peu d'entre eux, ils retournent à l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc en apprenant les droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on remet les choses à leur place. Et donc le deuxième droit dont le cheikh il nous parle aujourd'hui, c'est ta'atuhu sallallahu alayhi wa sallam wa tiba'u sunnatihi. C'est-à-dire l'obéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le fait de suivre sa sunna. Ça, c'est le deuxième droit qui est mentionné. Le premier droit, c'était le droit du fait qu'on doit croire en lui. Maintenant, c'est le fait de lui obéir et de le suivre. Et donc, le cheikh, il explique, cheikh Abdullah, hafidhahullah ta'ala, il dit « وَلَا يَخْفَى لِمَنْ تَأَمَّلَ نُصُوصَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ يَجِدُ أَصْلًا ظَاهِرًا بينا بين عينيه أولا وهو أن التأسي به صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله هو الأصل في كل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. قال الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يقول الإمام الحافظ ابن كثير عند هذه الآية: هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، ولهذا أمر الله تبارك وتعالى الناس بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظار الفرج من ربه عز وجل. انتهى كلامه رحمه الله. فالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وتصديق نبوته يستلزم العمل بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، وهذه ركيزة من ركائز الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتعني الانقياد والتسليم له صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ولا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذه هي الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب على الخلق جميعا اتباع شريعته ولزوم سنته وتحكيمها والرضا بها والتسليم لها، ولا يجد المرء في نفسه حرجا مما قضى ويسلم تسليما، فلا خير إلا ودل الأمة عليه، ولا شر إلا وحذر الأمة منه صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن تعلم يا رعاك الله أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم بمصلحتك من نفسك ووالدك والناس أجمعين، وأنه يحب الخير لك أكثر من حبك الخير لنفسك. قال الله جل جلاله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو صلى الله عليه وسلم رحمة ونعمة من الله، بها من الله بها على عباده وعلى الخلق أجمعين، وفي هذا كما قلنا مطالب. Donc le cheikh il a introduit donc ce point là en disant que il n'échappe pas à celui qui médite sur le sens des textes du Coran et de la Sunna. Il va trouver un fondement apparent et clair qui lui apparaît devant ses deux yeux. Et ce fondement là c'est le suivant: que il faut se baser sur l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses paroles, dans ses actions. Et ça, c'est le fondement de tout ce qui a été rapporté authentiquement au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit de ses paroles ou de ses actions ou de, des choses qu'il a approuvées. Et il mentionne le verset 21 dans surat Al-Ahzab, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous avons certes, vous avez certes en la personne du prophète, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, un bon exemple, le meilleur exemple pour celui qui espère en Allah et au jour dernier et qui se souvient d'Allah beaucoup, qui se souvient beaucoup d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne une parole à ce sujet-là de l'imam Al-Hafidh ibn Kathir dans son tafsir, lorsqu'il explique ce verset-là, il dit « Ce verset est un grand fondement sur le fait qu'il faut se baser sur l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses paroles, dans ses actions et dans ses états. » Et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne les hommes de prendre comme modèle le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le jour de la bataille de Al-Ahzab, on l'appelle aussi Al-Khandaq, dans sa patience, dans son endurance, dans sa persévérance et dans sa lutte, et dans le fait qu'il attendait toujours la délivrance de son Seigneur sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il ne perdait jamais l'espoir en la victoire et en la délivrance d'Allah. Donc ça, c'est la fin de la citation de l'imam Ibn Kathir, rahimahullah. Il dit donc que la foi en le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait que tu crois en le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et le fait que tu crois, tu crois qu'il est le prophète d'Allah et qu'il a reçu la révélation d'Allah, ça implique que tu dois agir selon ce qu'il a ramené sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est un des points centrales, parmi les points centrales de la foi en le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, al-inqiyad wa taslim ilahu, c'est-à-dire la soumission et le fait de se soumettre au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le Cheikh, il cite ensuite un verset dans le Coran, le verset 65, dans surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce qui signifie, non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants jusqu'à ce qu'ils t'aient pris, toi, ô Muhammad, comme juge dans tout ce qui arrive comme dispute ou désaccord entre eux, et qu'ils ne trouvent par la suite aucune gêne en eux-mêmes vis-à-vis de ce que tu auras décrété, et qu'ils s'y soumettent d'une soumission entière et complète. Et donc il dit, et c'est ça la signification d'émigrer ou de faire la hijra vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit qu'il est obligatoire à toute la création de suivre sa législation, ce qu'il a légiféré, et de s'accrocher à sa sunna et de la prendre comme juge dans toutes ses affaires, dans tous les aspects de la vie, et d'en être satisfait et de s'y soumettre entièrement jusqu'à ce que la personne ne trouve en elle-même aucune gêne vis-à-vis du décret du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'elle s'y soumette de façon entière et complète. Et il n'y a pas un bien excepté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a indiqué à sa umma, et il n'existe pas un mal excepté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a averti sa umma. Donc il faut absolument que tu saches que Allah te préserve et te garde, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaît mieux ce qui est bon pour toi que toi-même, ou que tes parents, ou que tous les hommes sur terre. Et il aime plus pour toi le bien, il aime le bien pour toi plus que tu peux l'aimer pour toi-même, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le Cheikh, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 107 dans Suratul Anbiya, nous t'avons envoyé que comme une miséricorde pour les mondes. Nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde pour les mondes. Et donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est une miséricorde et une grâce de la part d'Allah qu'il a fait à ses serviteurs et à toute la création, à tous les hommes, à tous les hommes sur terre et à toutes les créatures même. Et donc ça implique certains points. Ça implique certains points et c'est les points que le cheikh va expliquer et qu'il a mentionné dans l'introduction. Je vais vous les énumérer pour que ce soit plus clair pour vous. Donc, dans ce sujet-là, le sujet du deuxième droit, l'obéissance d'Allah, il a uniquement mentionné deux points. Le premier point, c'est les preuves de l'obligation qu'il faut lui obéir, selon le Coran et la Sunna. Et le deuxième point, c'est certaines citations des imams des salafs, yani, à ce sujet-là, dans la, yani, le fait de déclarer la guerre à tout ce qui s'oppose au suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire dans le fait de yani, faire la guerre à la bid'a et à tout ce qui oppose l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le premier point, les preuves de l'obligation d'obéir au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran. Les preuves dans le Coran qu'il est obligatoire hein, d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous voyez qu'en même temps, ces preuves réfutent ceux qu'on appelle les Coranites, hein, ou bien les Ahmadiyya, ou bien les Qadianiyya, ceux qui renient la Sunna et qui appellent à suivre un autre prophète que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui qu'ils appellent Mirza Ghulam Ahmad, hein, qui est né en Inde vers les années 1800 et quelques. Donc c'est un faux prophète, un Dajjal. Hein? Et eux, ils renient la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils rejettent l'obligation de suivre et d'obéir à sa sunna. Donc les preuves qu'on va mentionner, ça réfute en même temps ces gens-là et leurs idéologies. Donc le cheikh, il commence en disant « Yaqulu l'imam al-mubajjal, imam ahli sunnati, al-imam Ahmad, nadartu fi al-mushaf » فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا يعني من القرآن. Donc l'imam Ahmad rahimahullah, il dit j'ai regardé dans le mushaf, dans le Coran, et j'ai trouvé que l'obéissance au messager y est mentionnée 33 fois. Donc il y a 33 endroits dans le Coran où l'obéissance au messager est indiquée. Donc, bien entendu, Cheikh Abdullah, Hafizahullah, il ne mentionne pas les 33 versets ou les 33 endroits, mais il en mentionne quelques-unes. Il mentionne quelques preuves. Et c'est ça ce qu'on va lire ensemble. Le Cheikh dit وَمِنْهَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهِ. Le verset 80 dans Sourate An-Nisa. Dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et quiconque obéit au messager a certes obéi à Allah. » Donc ça c'est la preuve que l'obéissance du messager fait partie de l'obéissance d'Allah. Hein? Et le verset 56 dans Sourate An-Nur, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa ati'u ar-rasul la'allakum turhamun » Obéissez au messager pour que vous puissiez obtenir la miséricorde, avoir la miséricorde d'Allah. Et il dit le verset 54 dans Sourate An-Nur, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, ou bien plutôt il dit قُلْ أَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولُ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلْ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, dit au Mohammed, obéissez à Allah et au messager. Et si vous vous détournez, alors vous aurez apporté ce que vous avez fait comme péché. C'est lui qui aura apporté ce qu'il a apporté et vous aurez apporté votre poids aussi, votre charge aussi. Et si vous lui obéissez, vous serez bien guidé et il n'incombe au messager que de transmettre la révélation d'une manière claire. Donc on voit la mention du fait qu'il faut obéir à Allah et au messager ici dans ce verset. Il dit aussi dans le verset 32 dans sourate Al-Imran, يقول الله جل وعلا قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين. Il y a beaucoup d'autres versets. dans ce sens-là. Le verset 32 dans Surat Al-Imran, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et dit au Muhammad, obéissez à Allah et au messager, et si vous vous détournez, eh bien sachez que Allah n'aime pas les mécréants. Allah n'aime pas les mécréants, les kafirines. Et il dit, في آيات كثيرة من كتاب الله وجاء الأمر من الله باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم أمرا وتأسيا به عليه الصلاة والسلام في مواطن عدة قال الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ويقول جل وعلا فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون فالخير أيها الأحبة كل الخير في اتباعه وتحكيم شريعته وسنته والشر كل الشر في مخالفة هديه والتنكب عن سنته صلى الله عليه وسلم. Donc, le Cheikh, il dit également qu'il est rapporté de, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné le commandement et l'ordre de suivre le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et, il a ordonné de prendre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme exemple et comme modèle dans plusieurs endroits dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 31 dans Surat Al-Imran, ce qui signifie, dit, et si vous aimez Allah, suivez-moi. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au messager de dire aux hommes, dit, si vous aimez Allah, suivez-moi. Et Allah vous pardonnera, et Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc ça c'est un ordre de suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est le verset qu'on appelle le verset du test. Ayatul imtihan. C'est-à-dire, ceux qui prétendent qu'ils aiment Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis comme épreuve, comme test, pour vérifier si leur amour est vrai ou non, le fait qu'ils suivent l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou non. Donc, toute personne qui prétend aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et puis qui désobéit à son ordre, ou qui vient avec des innovations, des bid'ah, eh bien, c'est la preuve qu'il ment, ou bien il a contredit ce qu'il a prétendu d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Le verset 158 dans Surat Al-A'raf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce qui signifie, et croyez en Allah et en son messager, le prophète illettré, celui qui croit en Allah et en sa parole, et suivez-le pour que vous puissiez être guidé. Pour que vous puissiez être bien guidé. Et il dit donc que le bien, tout le bien, et dans le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans le fait de prendre ce qu'il a ramené comme sharia et de prendre sa sunna comme juge. Et tout le mal vient dans le fait de contredire sa guidance et de s'écarter et de rejeter sa sunna. Ensuite le cheikh il mentionne le deuxième point, c'est-à-dire l'épreuve du suivi de la sunna, l'obligation d'obéir au messager sallallahu alayhi wa sallam, mais dans la sunna. Donc là on a lu les versets, maintenant on va lire les hadiths à ce sujet. Il dit wa hiya kathiratun mutakathira wa min dhalika ma akhrajahu al-bukhari fi as-sahih أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي وأخرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي أحج بعد حجتي هذه فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه واللام لام الأمر أي لتأخذوا عني مناسككم مناسك الحج وأخرج البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى وأي هذا الأمر وأي أي أن هذا الأمر لا يعقل من هذا الذي يعبأ ولا يريد الجنة؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح الموصوف بالإباء هو الامتناع، إن كان كافرا فهو لا يدخل الجنة أصلا، وإن كان مسلما فالمراد منعه من دخولها مع أول داخل إلا من شاء الله تعالى. وقال الإمام الحافظ ابن حبان البستي رحمة الله عليه في الصحيح طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هو الانقياد لسنته، إلى أن قال مع رفض قول كل من قال شيئا في دين الله عز وجل بخلاف سنته دون الاحتيال في دفع السنن بالتأويلات المضمحلة والمخترعات الداحضة. Donc on va expliquer cette partie, on va continuer par la suite. Parmi les preuves que le cheikh il a mentionné de la sunna sur l'obligation d'obéir au messager sallallahu alayhi wa sallam, il y a ce que l'imam al-Bukhari a rapporté dans son sahih, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Priez comme vous m'avez vu prier ». Et ça c'est un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous ordonne de prendre son exemple dans la façon de faire la salat. Et également le hadith rapporté par l'imam muslim, le hadith de Jabir qu'on a mentionné hier, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Prenez vos rites de hajj, prenez-les de mon exemple, prenez-les de moi, car je ne sais pas si je vais pouvoir faire le hajj après cette année. » Donc il était en train d'enseigner aux musulmans comment faire le hajj selon la révélation. Et ça c'est un ordre encore une fois. Il mentionne un autre hadith rapporté par l'imam al-Bukhari dans son sahih. C'est un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari selon Abi Huraira radiyallahu anhu. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Toute ma nation, toute ma umma entrera au paradis, excepté celui qui refuse. » Et les sahaba ont dit, oh messager d'Allah, qui va refuser? C'est-à-dire, yani, c'est pas quelque chose de logique de la part d'une personne. Qui est-ce qui ne voudrait pas rentrer au paradis? Alors, le cheikh, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à cette question. Et il a dit, celui qui m'obéit, il entrera au paradis. Celui qui me désobéit, c'est celui-là qui a refusé. Celui qui me désobéit, c'est celui-là qui a refusé. Et le cheikh Al-Hafid ibn Hajar, il clarifie un point dans Fath al-Bari à ce sujet-là. Et c'est une faïda qui est très bénéfique à comprendre, surtout par rapport à la aqida d'Ahl-Sunnah wal-Jama'ah, vis-à-vis de celui qui fait des péchés ou qui désobéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il explique, le cheikh, il dit, celui qui est décrit comme ayant refusé, de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il est non musulman, si c'est un kafir à la base, ben c'est clair qu'il n'entrera pas déjà en partant au paradis parce qu'il n'est pas musulman. Toutefois, si on parle d'un musulman, alors le fait qu'il refuse, ça implique quoi? Est-ce que ça implique qu'il n'entrera jamais au paradis? Pas nécessairement. Puisque le cheikh dit, ça veut dire qu'il n'entrera pas parmi les premiers qui vont rentrer au paradis, excepté si Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu. Parce qu'on sait que selon la aqidah d'Ahl-Sunnah wal-Jama'ah, tous les musulmans entreront dans le paradis tôt ou tard. Parce que même celui parmi les musulmans qui a commis des grands péchés, même si Allah subhanahu wa ta'ala décide de le châtier dans l'enfer, il ne va pas rester éternellement dans le châtiment de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala va le faire sortir. Et donc, par la suite, il va aller au paradis. Mais, donc, c'est pour dire que celui qui a désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, quand on dit qu'il a refusé de rentrer au paradis en désobéissant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire, il a refusé de rentrer parmi ceux qui vont rentrer en premier. C'est ça ce que ça signifie. Après le cheikh, il dit, وقال l'imam ibn Hibban, Al-Busti, rahimahullah, il dit dans son sahih que l'obéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam signifie de se soumettre à sa sunnah. Hein? Et il explique par la suite, plus loin, il dit, en refusant la parole de toute personne qui dit quelque chose dans la religion d'Allah qui vient en contradiction avec sa sunnah. Donc toute personne qui dit quelque chose dans la religion d'Allah qui est en contradiction avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien ça doit être rejeté. Hein? Et il dit, sans faire de ruse pour essayer de repousser les, de rejeter les sunnan par des fausses interprétations. Hein? Et il y a des gens comme ça qui, parfois, ils rejettent la sunna, mais ils la rejettent pas explicitement ou directement, en disant non, je refuse la sunna, non. Ils vont utiliser des interprétations tordues et complètement très très éloignées pour essayer de justifier le fait de ne pas suivre la sunna en interprétant le hadith d'une façon vraiment hors de son contexte. Donc ça c'est un exemple de la manière dont certains essaient de se détourner de la sunna ou de détourner les autres de la sunna. Donc il faut obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam et suivre sa sunna et ne pas suivre la parole de celui qui contredit sa sunna, même s'il ramène des shubuhat ou des fausses interprétations pour se détourner de la sunna. Yarhamukallah. Le cheikh il dit ensuite, il cite le hadith de Al-Arbad ibn Sariya qui est un hadith très célèbre. Il dit wa an Al-Arbad ibn Sariya qal رضي الله عنه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذفرت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم وهو صحيح وقد رسم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم في هذه الموعظة البليغة ركيزتين أساسيتين وهما الاتباع وترك الابتداع والمتأمل في سورة سلف الأمة من الصحب رضوان الله عليهم يجد أنهم قد ساروا على هذه الوصية الجامعة المانعة آخذين هذه الأوامر الإلهية والأوامر النبوية بعين التأمل والتطبيق مع الرضا والتسليم فسلموا وأسلموا لله رب العالمين. وهذا يسوقنا إلى الكلام على المطلب الثالث. Donc, le cheikh il dit que le prophète, il a été rapporté par Al-Arbad ibn Sari, ou selon Al-Arbad ibn Sariya, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le prophète nous a fait une exhortation qui était touchante, qui nous a fait, qui nous a fait pleurer. Hein, il a fait couler les larmes de nos yeux et il a fait frémir nos cœurs. Et nous avons dit au messager d'Allah, la façon dont tu nous fais cette exhortation, c'est comme l'exhortation de quelqu'un qui fait ses adieux. Alors, qu'est-ce que tu enjoins pour nous? Qu'est-ce que tu nous donnes comme conseil? Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vous enjoins de craindre Allah, d'avoir de la piété envers Allah subhanahu wa ta'ala, et d'écouter et d'obéir. Et il dit d'écouter et obéir, c'est-à-dire vis-à-vis du dirigeant musulman. Même si c'est un esclave qui est votre chef, même si c'est un esclave qui est votre chef, vous devez l'écouter et l'obéir. Hein? Même si c'est pas un noble, quelqu'un d'important, quelqu'un que vous respectez, même si c'est un esclave, c'est lui qui est votre chef, alors obéissez-lui et écoutez-le dans le bien. Il dit, et celui qui va vivre après moi, il va avoir beaucoup de divergences. Alors accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes successeurs bien guidés après moi et mordez dedans avec vos molaires. et prenez garde aux nouvelles choses inventées dans la religion, car toute innovation est égarement. Toute innovation est égarement. Et ça, c'est rapporté selon Abu Daoud, ou par Abu Daoud, At-Tirmidhi, Ibn Majah et d'autres également, et c'est un hadith sahih. Après, il dit que dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dessiné pour nous, dans cette exhortation, toutes les fondements et les règles, les deux règles et les deux fondements de la religion. Il a établi la première règle qui est al-ittiba, le fait de l'obligation de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la deuxième règle qui est l'obligation d'abandonner et de délaisser les innovations, délaisser al-ittida, les bid'ah. Et le cheikh il dit wal muta'ammil fi surati salafi hadhihi al-umma. Donc celui qui observe et qui médite, qui réfléchit sur la vie des pieux prédécesseurs de cette umma parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien il va trouver que les compagnons ont toujours suivi cette leçon du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce conseil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a laissé, qui est un conseil général qui protège, qui préserve ceux qui s'y accrochent. Puisqu'ils ont toujours pris les ordres d'Allah, les ordres divins et les enseignements et les commandements prophétiques avec observation et application en toute satisfaction et en toute soumission. Et ils se sont entièrement soumis à Allah, le Seigneur des mondes. Et ça nous amène à parler du point suivant qui est les citations des imams des salafs dans la guerre qu'ils ont fait à la bid'a et au fait de suivre la sunna, c'est-à-dire tous ceux qui opposent le fait de suivre la sunna. Donc les salafs, ils ont mentionné à ce sujet-là beaucoup de paroles. Le cheikh il en a mentionné quelques-unes. Donc il dit وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة وقال أيضا رضي الله عنه إنا نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع ولن نضل ما تمسكنا بالأثر وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما من عام إلا والناس يحبون يحيون فيه بدعة ويميتون فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. وعنه رضي الله عنه قال عليك بتقوى الله والاستقامة واتبع ولا تبتدع. وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وجاء عن الحسن البصري رحمه الله فيما خرجه ابن أبي حاتم في الزهد أنه قال كانوا يقولون يا رسول الله إنا لنحب الله فأراد الله أن يجعل لحبهم إياه علامة فأنزل عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وجاء عن الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة أنه قال من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة لأن الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. وكان يكثر رحمه الله من إنشاد قوله وخير الأمور ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع. Donc on va traduire qu'est-ce qu'on a lu jusqu'à maintenant, puis on continuera par la suite. Le cheikh il dit que il a été rapporté selon Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, la parole dans laquelle il dit al-iqtisad fi sunna khayrun min al-ijtihad fi al-bid'ah, c'est-à-dire yani de suivre la sunna modérément, hein, de pratiquer un peu de la sunna, c'est beaucoup mieux que de faire beaucoup d'efforts mais dans la bid'ah. Hein, tu fais beaucoup d'efforts dans la bid'ah, ça te sert à rien parce que tout ce que tu as fait ne sera pas accepté d'Allah. Tandis que si tu suis la sunna, tu la suis avec modération, hein, eh bien, même si c'est peu, au moins tu auras quelque chose en retour. Tu auras une récompense de la part d'Allah pour ça. Donc, al-iqtisad fi sunna khayrun min al-ijtihad fil bid'ah. Donc ça, c'est une parole très importante de Abdullah ibn Mas'ud qui réfute beaucoup de gens qui font beaucoup d'efforts dans la religion, mais tu vois qu'est-ce qu'ils font quand tu leur demandes ça, c'est basé sur quoi? Est-ce qu'il y a une preuve? Et puis ils n'ont pas de preuve pour justifier qu'est-ce qu'ils font. Alors tu dis, dans ce cas-là, yani, vous faites beaucoup d'efforts, mais ça ne sert à rien. C'est comme les khawarij. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a décrits qu'ils lisaient beaucoup le Coran, ils faisaient beaucoup la prière, ils récitaient beaucoup le Coran. Puis après, là, il dit, mais ça ne dépasse même pas leur gorge quand ils récitent le Coran. Parce qu'ils le récitent sans comprendre. Hein? Et il y a une citation qui est mentionnée dans l'Ash-Shari'a de l'imam Al-Ajurri, quand il parle des Khawarij et de leur adoration, comment ils faisaient beaucoup d'adoration. Et Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il dit, ils ne font pas plus d'adoration que les chrétiens. Et ils sont sur l'égarement, malgré tout. Donc, c'est-à-dire, ces Khawarij, ils font beaucoup d'adoration, mais les chrétiens en font plus qu'eux, et ils sont dans l'égarement. Donc ça veut dire, ce n'est pas une question de quantité. Hein? Ce n'est pas que tu fais énormément d'adoration que ça veut dire que tu es sur la vérité. Parce qu'il y a des gens qui calculent comme ça. Allahul Musta'an. Donc ce n'est pas la quantité qui fait que ta voix est correcte. C'est est-ce que tu es en accord avec la sunna ou non. C'est ça qui détermine la différence. Naam. Il dit également, radiallahu anhu, c'est-à-dire Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il a dit dans une autre citation, inna naqtadi wa la nabtadi. Naqtadi, ça veut dire min al-iqtida. Donc on suit l'exemple, hein, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, c'est-à-dire on ne va pas commencer quelque chose, débuter quelque chose dans le sens d'inventer par nous-mêmes, de faire quelque chose que c'est nous le premier à le faire. Hein? On suit ceux qui nous ont précédés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba. Hein? Mais on ne va pas prendre les devants et faire quelque chose qu'eux, ils ne nous ont pas précédés à faire. D'accord? C'est ça que ça veut dire, naqtadi wa la nabtadi. من الابتداء ونتبع ولا نبتدع نتبع ça veut dire suivre ونبتدع ça veut dire innover, faire des bid'a. Donc on va suivre, mais on va pas innover, on va pas faire de bid'a. Donc ça c'est important aussi. Donc le musulman, il suit dans sa religion le chemin du musulman qui veut être sur la droiture, sur le vrai. Il n'a rien à inventer de nouveau dans sa religion. Il n'y a pas de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Des fois, il y en a qui s'attendent toujours qu'ils vont entendre quelque chose qu'ils n'ont jamais entendu. La religion, ce n'est pas de ramener des choses nouvelles. C'est de ramener ce qui a déjà été dit par ceux qui nous ont précédés. C'est uniquement ça, la religion d'Allah. Parce qu'on a la certitude et la conviction que qu'est-ce qu'ils ont ramené, c'est la vérité. Tout ce que quelqu'un pourrait ramener d'autre ou de nouveau, on n'a aucune preuve et aucune certitude que c'est vrai ou que c'est la vérité ou que ça amène au paradis. Qu'est-ce qui est certain que ça nous amène au paradis? C'est l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Le reste, c'est le doute, c'est l'égarement. Hein? Et il dit « وَلَنْ نَضِلْ مَا تَمَسَّكْنَا بِالْأَثَرِ » C'est vrai. On va pas s'égarer tant qu'on est accroché aux narrations. Et qu'est-ce qui nous a été transmis de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Si on s'accroche à ça, on ne peut pas s'égarer. Hein? Et il dit une autre parole de Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma. Il dit, il n'y a pas une année excepté que les gens vont ramener des innovations et vont faire mourir la sunna ou bien une sunna quelconque. Donc ça va arriver à un point tel que ils vont faire revivre la bid'a et ils vont faire mourir les différentes sunnans du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça nous prouve que le danger de la bid'a et le danger de laisser les gens pratiquer des bid'a, parce que quand ils font une bid'a, c'est pas juste que cette bid'a elle va être pratiquée en même temps que la sunna. Non, quand la bid'a est pratiquée, ça détruit la sunna en même temps. Donc c'est soit qu'il y a la bid'a ou la sunna, mais les deux peuvent pas coexister. Et tu vois que les gens, quand ils s'attachent à des bid'a, ils délaissent la sunna complètement. Et la sunna est oubliée par la suite. Les gens ne la connaissent plus et ne la pratiquent plus. Donc c'est ça l'importance de faire revivre la sunna pour faire mourir ces bid'a. Après, il cite une autre parole de Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu qui dit « Alayka bi taqwallah wa l'istiqama wa tabi' wa la tabtadi'. » Il dit « Accroche-toi à la piété vis-à-vis d'Allah, c'est-à-dire de chercher une protection d'Allah contre son châtiment. Une protection contre le châtiment d'Allah en faisant ce qu'il t'ordonne, en t'écartant de ce qu'il t'a interdit. Ça, c'est la signification de At-Taqwa. Et il dit, et suis et n'innove pas. C'est-à-dire, suis la sunna et ne fais pas de bid'ah. Donc, les salafs, constamment, ils rappellent tout le temps l'importance de suivre la sunna et en même temps, de combattre la bid'ah. C'est comme quand Allah subhanahu wa ta'ala, il leur donne de faire, d'adorer Allah seul. Il leur donne d'adorer Allah seul. Et en même temps, il dit toujours, et n'associe rien avec lui. Eh bien, dans la sunna, c'est la même chose. Comme le shirk est le contraire du tawhid, la bid'a est le contraire de la sunna. La bid'a, c'est l'opposé, c'est ce qui oppose la sunna. D'accord? Ça, c'est très important de le comprendre. Donc, si quelqu'un il est pas sur la sunna, il va tôt ou tard tomber dans la bid'a. Le shaykh, il dit, « Waja'a an Abdullah ibn Omar. » Abdullah ibn Omar, qu'est-ce qu'il a dit? كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. Ça réfute ceux qui prétendent qu'il y a des bonnes bid'ah. Chaque fois que tu mentionnes à des innovateurs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit les bid'ah, ils te disent, oui mais il y en a des bonnes. Il y a des bid'ah qui sont bonnes. Eh bien, Abdullah ibn Omar, il dit, toutes les bid'ah sont des égarements, même si les gens considèrent ou pensent qu'elles sont bonnes. Toutes les bid'as sont égarements, même si les gens voient qu'elles sont bonnes. Parce que ce n'est pas les gens qui déterminent ce qui est sunnah ou bid'ah, ou qu'est-ce qui est bon ou mauvais. C'est la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala qui détermine qu'est-ce qui est sunnah ou bid'ah. Et donc les gens, ils doivent se référer à la révélation et non pas aux opinions et aux goûts et aux jugements des individus. Donc, le cheikh dit ensuite qu'il est rapporté par Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, d'après ce que Ibn Abi Hatim a rapporté dans son livre Az-Zuhd. Il dit, les gens disaient, ô messager d'Allah, nous aimons Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu établir un signe par lequel il allait montrer la réalité de l'amour qu'ils ont pour lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le verset 31 dans surat Al-Imran, dit, si vous aimez Allah, alors suivez-moi. C'est-à-dire, dit au Muhammad, aux hommes, si vous aimez réellement Allah, suivez-moi. Et Allah vous aimera et pardonnera vos péchés. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Il mentionne ensuite, il dit que l'imam Malik ibn Anas, rahimahullah, l'imam de Dar al-Hijra, de la ville de Médine, il a dit, quiconque a innové dans l'islam une bid'ah et il pense qu'elle est bonne, il la voit bonne, Alors c'est comme s'il pense que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a trahi son message. Il n'avait pas transmis son message fidèlement. Ou bien il a manqué ou oublié de transmettre des choses. Il a caché des choses. Hein? C'est-à-dire son message n'avait pas été transmis correctement ou complètement. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion. Donc si ils disent qu'il faut faire des innovations et qu'ils pensent que c'est des bonnes choses qui sont innovées par eux, ça veut dire que c'est des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas enseignées aux hommes, mais qu'il l'avait, hein, il l'avait caché. Sa charia n'était pas encore complète. Il a fallu que ces gens-là viennent avec des bid'as pour la compléter. Donc ils sont en train d'accuser le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de ne pas avoir bien transmis le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça c'est une grave accusation. Hein? Cette accusation-là est grave. Et même s'ils ne le disent pas explicitement avec leur bouche, mais c'est le sens qui en découle lorsqu'ils font des innovations. Hein? Tu dis à celui qui est innové, qui fait des bid'ahs ou qui suit des innovations, il célèbre la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou il fait d'autres bid'ahs parmi les bid'ahs des soufis, les bid'ahs des khawarij, ou les bid'ahs des ikhwan, ou les bid'ahs des tablir, ou des autres groupes de bid'ahs, des asha'ira ou autres. Tu dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi il n'a pas enseigné ça? Hein? Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas enseigné ça? Alors que Allah dit que la religion est complète aujourd'hui. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas enseigné? Est-ce qu'il l'avait oublié? Hein? Il n'a pas la religion qu'il a enseignée, elle n'était pas complète à son époque. Il a fallu que toi tu viennes aujourd'hui pour la compléter à sa place. Donc ça c'est grave. Et donc l'imam Malik il disait, ceux qui ne faisaient pas partie de la religion à cette époque, eh bien ça ne fait pas partie de la religion aujourd'hui. C'est la même chose. Hein? Si ce n'était pas de l'islam à l'époque des salafs, à l'époque des sahaba, ça ne faisait pas partie de l'islam, ça ne fait pas partie de l'islam aujourd'hui non plus. C'est aussi simple que ça. Et l'imam Malik il disait souvent, hein, un vers de poésie qui signifie, la meilleure des choses c'est ce qui est, hein, une sunna, ce qui est sunna, ça c'est la meilleure des choses. Et la pire des choses c'est les choses inventées et les innovations. Et il dit ensuite, يقول الإمام الحجة الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله في الرسالة فما وصفت من فرض الله على الناس فما وصفت من فرض الله على الناس اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قبلت عن الله فمن اتبعها فبكتاب الله تبعها ولا نجد خبرا ألزم الله خلقه نصا بينا نصا بينا إلا كتابه ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلى أن قال لأن الله لم يجعل لآدمي بعده صلى الله عليه وسلم ما جعل له بل فرض على خلقه اتباعه فألزمهم أمره فالخلق كلهم له تبع ولا يكون للتابع أن يخالف ما فرض عليه اتباعه ومن وجب عليه اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له خلافها وقال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله في كلمة عظيمة بليغة قال عليكم بالأثر والسنة فإني أخاف أنه سيأتي على قليل زمان أو على قليل عن قليل زمان إذا ذكر الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرؤوا منه وأذلوه وأهانوه لا شك هذا وصف بليغ وتحذير شديد منه رحمه الله وكان يقول رحمه الله كما ذكر الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم ما أحدث ما أحدث أحد في العلم شيئا إلا سئل عنه يوم القيامة فإن وافق السنة سلم وإلا فهو العطب. ويقول الإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله إن العلم ليس بكثرة الرواية ولكنه نور يقذفه الله في القلب وشرطه الاتباع والفرار من الهوى والابتداع. ويقول الحافظ ابن قدامة رحمه الله في ذم التأويل لأنه صلى الله عليه وسلم على الصراط المستقيم فسالك سبيله فسالك سبيله سالك صراط الله المستقيم لا محالة، فيجب علينا اتباعه والوقوف حيث وقف والسكوت عما عنه سكت. وهو ما هو الصراط المستقيم أيها الإخوة الذي يدعو كل مصل ربه في كل ركعة فرضا كانت أم نفلا أن يهديه إليه؟ تقاربت عبارات أهل العلم في معناه، فقد أخرج الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره بإسناد حسن أن حمزة ابن المغيرة قال سألت أبا العالية التابعي الجليل الشهير عن قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، قال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر، قال أتيت الحسن فأخبرته بذلك فقال صدق ونصح. On va traduire ça, puis après, on va continuer. On a presque terminé le point, le droit numéro 2. Donc, le Cheikh, il dit, l'imam al-Shafi'i, il mentionne dans son livre Al-Risala, rahimahullah, il dit, ce que j'ai mentionné de l'obligation d'Allah pour les hommes, c'est de suivre l'ordre du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et la preuve de suivre l'exemple du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et de suivre sa sunnah, elle vient uniquement d'Allah. Hein? Elle vient d'Allah, cet ordre. Donc celui qui la suit, eh bien il la suit par l'ordre du livre d'Allah. Et on n'a pas trouvé un ordre ou une information que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire de suivre pour les hommes dans son livre, à part son livre, excepté la sunnah de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à ce qu'il dise un peu plus tard, il dit un peu plus loin, parce que Allah n'a pas établi qu'on doit suivre un autre être humain après lui, hein, et il n'a pas donné à un autre être humain après lui ce qu'il a mis, hein, comme obligation de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre personne, hein, qui est obligatoire de suivre, excepté le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que toutes les créatures ont l'obligation de le suivre et d'obéir à son commandement. Et donc toutes les créatures sont obligées de suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَلَا يَكُونُ لِلْتَابِعِ. Donc la personne qui suit, elle ne peut pas contredire ce qui lui a été rendu obligatoire de suivre. Et donc celui qui veut rendre obligatoire, ou celui qui a rendu obligatoire de suivre l'exemple de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas le droit de la contredire. Il n'a pas le droit de contredire son or ou sa sunna. Donc, il a cité cette parole. Après, il cite la parole d'un autre parmi les imams des salafs, Sahl ibn Abdillah al-Tusturi. Et il dit dans une autre parole très, très importante, accrochez-vous à la narration, al-Athar, et accrochez-vous à la sunna. Il dit, parce que je crains qu'il va y arriver, il va venir un temps très court, dans lequel, lorsque quelqu'un va mentionner la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le fait de le suivre dans tous ses états, dans tout ce qu'il a dit, dans tout ce qu'il a fait, et dans tout ce qu'il a approuvé, les gens vont le blâmer. Hein, celui qui appelle à ça va être blâmé. Les gens vont s'enfuir de lui, vont se désavouer de lui, vont le rabaisser et l'humilier. Donc, ça c'est des choses que l'imam a dit. Et parfois tu vois que c'est des choses qui sont en train de se produire. Quand quelqu'un il appelle les hommes à suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tout ce qu'il a enseigné, et de prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme modèle, et de lui obéir dans tout ce qu'il a ramené dans la charia, il y a des gens tout de suite, ils blâment cette personne et ils s'enfuient de lui, ils se désavouent de lui et ils l'humilient, ils le rabaissent. Et donc, ça c'est un avertissement de la part de cet imam, rahimahullah. Et il cite ensuite une parole de Al-Hafidh ibn Abd al-Barr dans son livre Jami'u Bayan al-Ilm, lorsqu'il dit ce que toute personne qui invente quelque chose dans la science, il n'y a personne qui va ramener quelque chose dans la science qu'il a inventé lui-même, excepté qu'au jour de la résurrection, il va en être questionné. Allah subhanahu wa ta'ala va lui demander des comptes. Si ce qu'il a ramené est en accord avec la sunna, il va être sain et sauf. Sinon, il va être châtié. Et l'imam Abu Uthman ibn Sa'id al-Darimi, un autre parmi les grands imams des salafs, rahimahullah, il dit, la science, c'est pas par la quantité des narrations que tu rapportes, mais c'est une lumière que Allah met dans le cœur. Et la condition de cette lumière, c'est que tu suives l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que tu t'enfuis de la passion et de l'innovation. Naam. Et l'imam Al-Hafidh ibn Qudam Al-Maqdisi rahimahullah, il a écrit un livre qui s'intitule Dhamm al-Ta'wil, la critique ou le blâme de Al-Ta'wil, c'est-à-dire Al-Ta'wil, c'est le fait de déformer ou d'interpréter faussement les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien d'interpréter faussement la religion, Al-Ta'wil. Et il dit dans ce livre, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur le droit chemin. Donc celui qui emprunte son chemin, eh bien, il a suivi le chemin d'Allah qui est droit. C'est-à-dire, il ne peut pas faire autre chose que de suivre le droit chemin. Et donc, il est obligatoire pour nous de le suivre et de s'arrêter là où il s'est arrêté et de se taire là où il s'est tu. Et il dit, et c'est quoi, le Cheikh Abdullah al-Bukhari, il pose la question. Il dit, oh mes frères, qu'est-ce que la définition, ou c'est quoi le droit chemin, sirat al-mustaqim, que la personne qui prie son Seigneur dans chaque rak'a, que ce soit la prière obligatoire ou la prière surérogatoire, quand il fait sa salat, il demande à Allah de le guider vers ce droit chemin-là. Qu'est-ce que ça signifie, c'est quoi ce droit chemin? Eh bien, le cheikh il dit, on voit que les expressions et les explications des ulama se sont rapprochées dans la définition et dans la signification de As-Sirat al-Mustaqim. Il a été rapporté par l'imam Ibn Jarir al-Tabari dans son tafsir avec une chaîne de transmission qui est bonne. Il dit que Hamza Ibn al-Mughira a dit, j'ai demandé à Abu al-Aliya, un noble tabi'i parmi les élèves des sahaba qui est très célèbre, il dit, j'ai demandé à Abu al-Aliya à propos de la parole d'Allah, ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous sur le droit chemin. Il a dit, c'est le messager d'Allah, c'est-à-dire le droit chemin, c'est le messager d'Allah et ses deux compagnons après lui, Abu Bakr wa Omar, c'est ça le droit chemin, as-sirat al-mustaqim. Et il dit, je suis ensuite allé voir Al-Hassan al-Basri, un des imams des élèves des sahabas, parmi les élèves des sahabas. Il dit, je suis allé le voir et je lui ai donné cette information-là. Je lui ai dit ça, l'explication de Abu al-Aliya. Il a dit, sadaqa wa nasah. Il a dit vrai et il a été sincère. Il a donné le bon conseil. Donc il dit ensuite, le cheikh il termine avec une parole de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya dans Zadul Ma'ad. Donc c'est une citation qu'il a citée de l'imam Ibn al-Qayyim, on va finir avec ça. يقول l'imam Cheikh al-Islam Ibn al-Qayyim rahimahullah fi Zadul Ma'ad ومنها هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول عليه الصلاة والسلام وما جاء به وتصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر، لأنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح إلا لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على يدي الرسل ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم ليس إلا هديهم وما جاءوا به فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه والعين إلى نورها والروح إلى حياتها فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير إلى أن قال وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي عليه الصلاة والسلام فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم فالفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Donc ça c'est la citation de l'imam Ibn al-Qayyim. Elle est vraiment, mashallah, elle est vraiment complète et vraiment bien. Et il dit dans cette citation, hein, je vais faire mon possible pour lui donner son droit, inshallah. Donc il dit, et d'ici on voit la nécessité de la part des serviteurs, au-dessus de toute nécessité autre, de connaître hein, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, et ce avec quoi il est venu, et d'y croire, de croire en ce qu'il a donné comme information hein, au sujet de la religion, et de lui obéir dans ce qu'il a ordonné. Et il n'y a pas de voie, de chemin vers le bonheur et le succès, ni dans cette vie d'ici-bas ou dans l'au-delà, excepté par la main des messagers. Hein. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir de bonheur ou de succès dans cette vie ou dans l'au-delà, excepté en suivant l'exemple des messagers. Et il n'y a pas de chemin pour connaître qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais de façon détaillée, excepté par leur chemin, par leur voie. Et donc, il n'y a pas rien d'autre qui peut te guider, excepté leur guidance et ce qu'ils ont ramené. Alors, ils sont eux la balance. Hein? C'est eux qui font la balance peser. Hein, qui font pencher la balance. Et c'est-à-dire, c'est par leur balance qu'on va pouvoir déterminer les paroles, par leur comportement, par leurs paroles et par leurs actions, qu'on peut peser les paroles et les actions et les comportements des autres pour savoir s'ils sont bons ou mauvais ou s'ils sont corrects ou non. Donc c'est eux la référence en fait. Hein, c'est ça que ça signifie en résumé. Et donc c'est en les suivant qu'on peut distinguer les gens de la guidance des gens de l'égarement. Et donc c'est une nécessité, c'est-à-dire il dit la nécessité de les suivre et de connaître ce qu'ils ont ramené, leur guidance. Eh bien cette nécessité-là, elle est plus grande et plus importante que la nécessité du corps a pour l'âme. C'est-à-dire ton corps, il a besoin de l'âme. Hein? Et ton œil, il a besoin de la lumière. Et ton âme, elle a besoin de la vie. Mais la nécessité que tu as de connaître la voix des messagers et de connaître leur guidance, elle est plus grande que cette nécessité, que ces exemples de nécessité-là qu'il a mentionné. Donc, toute nécessité que les deux serviteurs peuvent imaginer, eh bien, la nécessité de connaître la voix des messagers, elle est au-dessus, hein, par beaucoup. Et il dit, jusqu'à ce qu'ils disent plus loin, que le bonheur du serviteur dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, elle est rattachée hein, par la guidance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'est obligatoire à toute personne qui est sincère envers lui-même et qui aime pour son âme le salut et le bonheur eh bien c'est une obligation pour lui dans ce cas-là de connaître la guidance du messager, de connaître sa biographie, de connaître tout ce qui est relié à sa personne, pour être capable de sortir du rang des ignorants, de ceux qui ne le connaissent pas, et pour rentrer dans le nombre de ceux qui l'ont suivi et qui font partie de son groupe et de son parti. Et les hommes, eh bien, ils sont différents vis-à-vis de ça. Certains ont beaucoup de connaissances, certains en ont peu et en sont privés. Et la grâce est entre les mains d'Allah. Il la donne à qui il veut. Et Allah est certes le détenteur d'une grâce immense. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et on continuera la suite demain, Inch'Allah, avec le troisième droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته